Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Non se cacho, tan misuraiku, ui manta chunka, 15. Hop, iskai, quinza, tawa, pisca, socta, canchis, pusak, iscon, chunca, chunca, ukni. Hop, iscai, quinza, tawa, pisca, socta, canchis, pusak, iscon, chunca, chunca, ukni. Hop, iscai, quinza, tawa, pisca, socta, canchis, pusak, iscon, chunca, chunca, ukni. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Nokchaku punchai kunwai mita kunin. Taik misukudaiku. Kiyakichu, antichu, kuyurchau, iyapachai, chokskachais, kuychichai, intichai, kiyakichu, antichu, kuyurchau, iyapachai, chokskachais, kui chichai, intichai, kiyakichu, antichu, kuyurchau, iyapachai, chokskachais, kui chichai, intichai. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Nokshaku watan kiyankuna koyaipokoi yatumpokoi pankaruai ariwai aimurai inti raimi antasiwotua kapas situa umaraimi kantarai ayamarka pokoi raimi. Koyai pokoi, yatun pokoi, pankaruai, ariwai, aimurai, inti raimi, antasi kotua, kapas situa, umaraimi, kantarai, ayamarka, pokoi raimi. Koyai pokoi, yatun pokoi, pankaruai, ariwai, aimurai, inti raimi, antasi kotua, kapas situa, umaraimi, kantarai, ayamarka, pokoi raimi.